Chapitre 26. La mort volante. Après s'être ressaisi par un merveilleux effort de volonté et de courage héroïque, le capitaine Vauquelin se concentra sur la manœuvre du biplan. Le vrombissement du moteur devint encore plus grave, sa vitesse s'accrut et l'appareil commença à s'élever toujours plus haut en décrivant une longue spire élégante. Lagnard jeta un regard d'appréhension à la jeune fille, mais elle semblait ne s'être aperçue de rien d'anormal. Son visage était toujours tourné en avant et toujours le voile tremblotait contre ses joues brûlantes. Grâce au fracas du moteur, aucune détonation perceptible n'avait accompagné le feu roulant de l'homme du monoplan. Et d'autre part, le cri d'horreur de Lagnard n'avait été perçu que par lui-même. N'entendant rien, Lucie ne soupçonnait rien. De nouveau, Lagnard regarda en arrière. À présent, le Valkyr semblait s'être rapproché à moins de 400 mètres du biplan et il filait à une allure vertigineuse. Son unique paire d'ailes, située au même niveau à peu près que le plan inférieur du paro. Mais ce dernier s'élevait sans cesse. Le siège de direction du Valkyr était occupé par une forme grotesquement emmitouflée qui pouvait être n'importe qui, de Morbihan, Extrême ou tout autre fou homicide. À distance, ses gestes étaient aussi peu distincts que leur résultat était indiscutable. Lagnard vit une langue de feu jaillir d'un point proche de la figure de l'homme. Il ne distinguait pas l'arme à feu elle-même, et comme Vauquelin, tout à fait sans le vouloir, il fit le plongeon. En même temps, un bruit rude d'arrachement retentit juste au-dessus de sa tête, et il se surprit à regarder en l'air une longue déchirure de la toile causée par la balle qui l'avait frappé en oblique. « Qu'allons-nous faire ? » hurla-t-il à Vauquelin. L'aviateur secoua la tête avec impatience, et ils continuèrent à monter. Déjà, le voile arachnéen d'or, caché la terre et la mer, semblait 3 fois plus loin sous leurs pieds qu'il ne l'était au moment où Vauquelin avait fait la terrible découverte de sa manche crevée par une balle. Mais le monoplan s'obstinait à suivre son exemple. À mesure que le paro s'élevait, le Valkyr en faisait autant, quoiqu'un rien plus lentement, et avec moins de souplesse. Lagnard avait lu quelque part, ou entendu dire, que les monoplans sont de piètres appareils pour grimper. Il se dit que si cela était, Vauquelin connaissait son affaire, et il tira quelque réconfort de cette réflexion. Et il était heureux, fort heureux, de la noirceur du voile qui enveloppait le visage de Lucie, car ce visage, croyait-il, ne devait être rien moins qu'un masque de terreur panique. Il était lui-même complètement figé de crainte et d'horreur. Cela ne servait à rien de se dire qu'il y avait peu de chance pour que l'une des balles du Valkyr atteignît un organe vital de l'avion. La toile déchirée là au-dessus, le trou dans la manche de Vauquelin, démontrait l'inanité de ce raisonnement. Et alors, le barographe encastré devant Lagnard disparut comme par enchantement. Il éprouva une légère secousse. La carcasse de l'appareil vibra comme sous un choc violent. Quelque chose qui ressemblait à une poignée de miettes noires tournoya au dehors dans l'air et s'évanouit. Et à la place où il y avait eu l'instrument, un trou aux contours irréguliers s'ouvrait dans la plaque d'aluminium. Et d'autant que l'un de ces projectiles eût pu devenir fatal, le premier venu des suivants pouvait blesser l'aviateur sinon le tuer net. Et de toute façon, le résultat inévitable serait la mort consécutive à une chute d'une hauteur que l'aiguille du barographe évaluait avant sa destruction, à plus de 2000 mètres. Il grimpait toujours. À cette heure, le poursuivant perdait un peu de l'avantage de sa vélocité plus grande. Le paro était sensiblement plus haut. Le Valkyr exigeait pour monter une spire de plus grand rayon. Néanmoins, Lagnard qui regardait en bas vit encore une autre langue de feu jaillir vers lui, et 2 trous de balles apparurent dans les ailes bâbord du biplan. L'un dans l'aile inférieure, l'autre dans la supérieure. Les lèvres décolorées et tout tremblant, l'aventurier se mit en devoir d'ouvrir son paletot. Au bout d'un instant, impatienté, il arracha l'un de ses gants et le jeta au loin. L'objet, étalé, descendit dans le vent comme un moineau blessé. Vauquelin l'avait regardé faire, avec dans les yeux, une curiosité qui se changea bientôt en un éclair d'intelligence, quand Lagnard, fourrant sa main sous le paletot de cuir, eut tiré de sa poche un pistolet automatique que Ducroix l'avait obligé d'accepter. Ils étaient maintenant peut-être à 100 pieds plus haut que le Valkyr, qui planait sur tribord à 400 mètres de distance. dirigé par le Français, le paro s'abaissa selon une spire étroite, de façon à venir se placer presque immédiatement au-dessus de l'autre, manœuvre qui exigea, tout compte fait, un peu plus de 5 minutes. Cependant, Lagnard reboutonna son paletot et empoigna le pistolet, tout en s'efforçant de ne plus penser. Mais déjà, son imagination reculait d'horreur à la pensée de ce qui allait s'en suivre, une fois le moment venu pour lui de réaliser son dessein. Vauquelin lui toucha le bras pour l'avertir de se hâter. Mais Lagnard, ravalant sa salive, fit un geste négatif et, les yeux détournés, remit son arme à l'aviateur. Fortement penché par-dessus le bord de la carlingue, il dominait la large surface blanche du fuselage et des ailes du Valkyr. Invisible au-dessous d'elle, il y avait le moteur et le siège du pilote. Au bout d'un instant, il vit Vauquelin se pencher lui aussi et regarder en bas. L'aviateur, visant avec tout le soin possible, tira les 8 cartouches du chargeur en moins d'une minute. Un moment, Lagnard douta qu'aucune d'elles eût été efficace. Sa vision était brouillée et il ne pouvait distinguer aucune trace de dégâts dans l'étoile du Valkyr. Il vit le pistolet, vidé, glisser des doigts engourdis et sans force de Vauquelin, et disparaître. Une horreur fascinatrice tenait son regard attaché sur le Valkyr planant. Au-delà de celui-ci, au-dessous, tout en bas d'un 1,5 km de vide, il y avait ce plancher doré de nuages amoncelés qui attendait. Il vit tout à coup le monoplan s'arrêter dans son puissant essor, comme s'il venait de donner, tête baissée, contre un obstacle invisible. Et durant un intervalle qui lui parut être d'une minute entière, l'avion resta sur place, virant et hésitant, comme pour chercher le vent. Puis, telle une baleine qui plonge, il bascula, échut la tête la première, son hélice tournoyant comme une toupie. Il tomba en flèche sur l'espace de 400 mètres. Après quoi, pris dans un remous, il se mit de travers et commença de pirouetter, d'abord lentement, puis avec une rapidité croissante, dans sa chute fatale. Dès le début de ses giroiements, quelque chose en jaillit, quelque chose de petit, de noir, d'étalé, à l'instar du gant que Lagnard avait jeté. Mais cette chose-ci tombait avec une vitesse encore plus grande que celle du Valkyr. En une couple de secondes, elle fut réduite aux dimensions d'un moucheron, et à la suivante, elle s'engouffra dans cette vaste mer de vapeur dorée. Quant au monoplan lui-même, un peu plus tard, il roulait dans l'abîme et plongeait vers l'oubli dans le brouillard. Lagnard était encore penché sur le bordage, les membres mous, la tête vide, et luttant contre la nausée quand tout à coup, et sans avertissement préalable, le chant stentoréen du moteur se tut et fut remplacé par l'infini silence, ce terrible silence des vastes solitudes de l'air supérieur, où l'on n'entend jamais d'autre son que les voix des éléments en lutte mutuelle. Un silence qui résonna, avec un accent aussi terrible que le cataclysme du jugement dernier, aux oreilles de ces 3 êtres humains, suspendus là, au cœur de cette inconcevable, transparente et immaculée splendeur, sous la voûte énorme des cieux, à mi-chemin entre le bleu profond de l'espace éternel et l'océan rose et or du brouillard, ce brouillard qui, enveloppant la terre et la mer, cachait également tout vestige du drame qui venait de se dérouler, toute trace du meurtre qu'ils avaient commis afin de n'être pas eux-mêmes tués et précipités dans l'abîme. Son hélice ayant cessé de mordre l'air, l'aéroplane vogua à une allure toujours décroissante, et son élan épuisé resta complètement inerte, comme s'il eût reposé dans le creux de quelque main géante et invisible, baigné d'impitoyable lumière, sous l'œil impassible de l'infini, pour attendre son jugement. Alors, avec un léger frisson d'hésitation, les plans basculèrent, inclinés légèrement vers la terre, et se mirent lentement, et comme à regret, à descendre sur les voies longues et vides de l'atmosphère. Là-dessus, se réveillant, Lagnard entendit sa propre voix qui criait frénétiquement à Vauquelin. « Bon Dieu, pourquoi faites-vous cela ?» Vauquelin ne lui répondit que par un pâle rictus et un haussement d'épaule à peine visible. Emporté par l'élan accru de minute en minute, l'avion filait vers le bas, d'une course irrésistible, avec la vitesse d'un vent furieux, une vitesse si grande que quand Lagnard voulut de nouveau parler, il en eut la respiration coupée et ne put émettre aucun son. Ainsi donc, de cette effroyable hauteur, du sein pacifique du vide démesuré, ils descendirent de plus en plus bas, par une longue succession de spires vertigineuses, qu'interrompaient à peine des haltes insignifiantes. Et bien qu'ils l'abordassent par une longue pente douce, le plancher de vapeur parut s'élever à leur rencontre comme une vague immense. En un clin d'œil, le biplan l'effleura, et après une seconde d'hésitation, s'enfonça toujours plus profondément dans cette froide et grisâtre immensité de brouillard. En cet instant d'arrêt, où l'aventurier n'avait pas encore repris sa respiration et frottait ses yeux ruisselants d'une main douloureuse et transpercée de froid, le brouillard lui apparut moins massif qu'il ne l'avait pensé. Les taches de couleur transparaissaient sous les plis du voile, et avec elles, les sommets arrondis d'un monticule roussâtre. Puis, ils s'enfoncèrent, quittant le soleil radieux, dans le froid crépusculaire des vapeurs rampantes, et la bonne terre maternelle tendit son sein chaleureux pour les recevoir. Relevant un peu la proue, voletant comme indécis, le paro se posa délicatement avec à peine un choc sur une large pente de terre inculte couverte d'herbes rases et rudes. Pendant quelque temps, tous trois restèrent sur leur siège, comme pétrifiés, complètement immobiles et, à l'exception peut-être de l'aviateur, quasi inconscients. Mais bientôt, l'anière se rendit compte qu'il s'emplissait régulièrement les poumons d'un air doux, humide, salubre et par comparaison tiède, et que le sang battait douloureusement dans ses mains et ses pieds à demi gelés. Il soupira comme s'il s'éveillait d'un songe étrange. Au même moment, l'aviateur étira ses membres roidis et se mit en devoir de descendre. Quand il sentit la terre sous ses pieds, il s'éloigna de quelques pas, vacillant et butant comme un homme ivre, puis s'en revint vers l'appareil. « Allons, mon ami !» lança-t-il à l'anière d'une voix redevenue singulièrement normale. « Grouillez-vous, si vous en êtes capable, et occupez-vous avec moi de mademoiselle. Je crains qu'elle ne se soit évanouie. » La jeune fille reposait inerte dans les courroies de sangle, les yeux clos, les lèvres entrouvertes, les membres relâchés. « On ne peut guère lui en faire un reproche, » dit l'agnard, tout en lui désanglant la poitrine. « Il y avait de quoi rendre quelqu'un fou avec ce plongeon. »« Mais il me fallait l'exécuter, » protesta vivement l'aviateur. « Je n'osais rester plus longtemps là-haut. Je n'ai jamais encore eu peur en l'air. Mais, après ce que vous savez, j'ai eu terriblement la frousse. Je me sentais partir. J'allais perdre connaissance. Et je savais qu'il me fallait agir si nous ne voulions pas faire comme cet autre. Dieu, quelle mort !» Il se tut, frissonna et se passa le revers de la main sur les yeux avant de reprendre. « Aussi, j'ai coupé l'allumage et je me suis mis en vol plané. Allons, voici ma main. À la bonne heure, vous êtes d'aplomb, hein ?»« Oh, je suis très bien !» déclara l'agnard avec assurance. Mais cette assurance était démentie par son air égaré, car la terre ondurait et giroyait autour de lui comme ensorcelée, et avant de savoir ce qui lui arrivait, il tomba sur son séant et leva des yeux hébétés vers l'aviateur. « Tenez, » fit ce dernier avec politesse, en dissimulant un sourire sous son masque, « revoici ma main, monsieur. Vous en avez supporté plus que vous ne croyez, et maintenant, à mademoiselle. » Mais quand ils arrivèrent auprès de la jeune fille, ils eurent la surprise de la voir déjà redressée, frissonnante et en train de se ressaisir. « Vous vous sentez mieux, à cette heure, mademoiselle ?» demanda Vauquelin, qui s'empressa de défaire ses attaches. « Je suis mieux. » « Oui, je vous remercie, » acquiesça-t-elle d'une voix faible et entrecoupée, « mais pas encore tout à fait moi-même. » Elle donna une main à l'aviateur, l'autre à l'agnard, et quand ils l'eurent aidé à gagner le sol, l'agnard, averti par son expérience, la soutint de son bras. Elle avait besoin de cet appui, et durant quelques minutes, ne parut même pas s'apercevoir qu'il la tenait. À la fin, se dégageant doucement, elle se recula quelque peu. « Où sommes-nous ? « Vous le savez ?»« Quelque part sur les dunes du sud, » hasarda l'agnard en consultant Vauquelin. « C'est probable, » fit ce dernier, « du moins à en juger d'après la route que j'ai tenue. Quelque part à l'intérieur du pays, ce me semble, car je n'entends pas la mer. »« Près de l'Efs, peut-être ?»« Je n'ai pas de raison d'en douter. » Il y eut alors un silence contraint. La jeune fille regarda l'un après l'autre l'agnard et l'aviateur, puis se détourna de tous les deux, tremblante de fatigue et s'efforçant de tenir bon en se croisant les mains avec force. Elle resta là, les yeux perdus dans le brouillard. Tristement, Lanière se mit à envisager leur situation. Le paro s'était posé dans une sorte de vaste creux de terrain peu profond, dont les bords irréguliers se perdaient dans le brouillard. Dans cette enceinte, aucun être vivant ne remuait, à part eux-mêmes, et la lande n'était même pas traversée par une piste à bestiaux. Bref, ils étaient égarés. Peut-être y avait-il dans une direction quelconque une route longeant le creux à 10 mètres de son bord, mais le contraire était également possible. Peut-être y avait-il une ville ou un village à proximité immédiate. Non moins possiblement, les dunes désertes ondulaient de toutes parts sur des lieues et des lieues. « Eh bien, qu'allons-nous faire ?» demanda soudain la jeune fille, d'une voix inquiète et agitée. « Oh, nous trouverons bien un chemin quelconque pour sortir d'ici, » affirma Vauquelin avec assurance. « L'Angleterre n'est pas tellement vaste qu'on puisse y rester égaré, pas pour longtemps en tout cas. Mais je suis fâché de l'aventure à cause de Mademoiselle Shannon. Nous nous en tirerons quand même, » affirma Lanière avec énergie. L'aviateur eut un singulier sourire. « Pour commencer, fit-il, je suppose que nous ferions aussi bien de nous débarrasser de ces costumes incongrus. Ils sont gênants, surtout pour marcher. » En dépit de sa fatigue, Lanière fut si frappé par un détail qu'il ne put s'empêcher d'en faire la remarque à son interlocuteur. « Vous parlez remarquablement bien anglais, capitaine Vauquelin. » L'autre eut un rire bref. « Pourquoi pas ? » fit-il en retirant son masque. Lanière le regarda au visage et, stupéfait, recula d'un pas en bégayant. « Wertheimer !»